Gaylor Van Wimmersch. Chers camarades bobos, chers hipsters parisiens, les copains, vous qui ne reculez devant aucune innovation vestimentaire, esthète du bon goût prescripteur mais décalé, vous qui êtes à la pointe des luttes contestataires d'avant-garde, du transport 2.0 sur piste cyclable en trottinette électrique, jusqu'au militantisme vegan et locavore. J'ai quelque chose pour vous, mes amis, mes frères, car oui, rassurez-vous, je ne suis pas votre ennemi, je suis l'un d'entre vous. Tu la trouves disgracieuse, cette chasuble, hein? Je te tutoie, puisque c'est la norme entre nous. Ce jaune criard, ce gilet sans manches, avec bande réfléchissante. Ça fait plouc. Ambiance resto routier en bord de National 4, ça pull docker CGT aviné. Ou pire, c'est carrément prolétaire, te dis-tu. Même Karl Lagerfeld n'y aura rien fait. Les gilets jaunes, ça refoule le popu crasseux qui passe sa vie entre sa bagnole, sa télé et le centre commercial. Ça empeste le facho, les chips grasses et le picon bière. Pourtant, tu aimes ça, les chips et le picon, non? Allez, allez, un effort, souviens-toi de Nuit Debout. Tu en étais, de ces nuits blanches révolutionnaires en plein Paris, hein? Alors aujourd'hui, j'ai quelque chose pour toi. J'ai retrouvé ça dans mon placard. La classe, hein? La Yellow Vest, qui te permettra de rejoindre le mouvement avec un swag incroyable. Swag, mais qu'est-ce que c'est que ce mot? C'est vague, on peut presque remettre de l'eau. C'est le style, la classe, ouais, comment t'es sapé. C'est aussi les liasses et comment t'es coiffé. Des lascars montent à bord, mais ils resteraient hackés. S'ils savaient que ça veut dire secretly we are gay. Près du corps, ajusté et cintré. On garde le jaune fluo et les bandes réfléchissantes revisitées, un peu plus gracieuses, je te l'accorde, qui viennent délicatement souligner la ligne d'épaule, urbain et vintage à la fois, et tout ça à prix modique, 25 euros, une affaire, je te le dis. Comme ça, tu pourras t'équiper pour rejoindre le mouvement, tout en gardant ta classe légendaire, et cela dès demain, l'ami. Pour l'instant, ça ne grouille pas de Paris gauche, je peux te l'assurer. Car toi aussi, tu es un déclassé, à ta mesure, à ton niveau, un sans grade. Toi qui trouves que quitter Paris pour investir des banlieues en cours de gentrification, c'est cool. Tu as l'impression de t'encanailler chez le popu, alors que petit père, petite mère précaire, tu as subi un déclassement comme tant d'autres. Refoulé d'un Paris populaire en train de crever lui aussi. Pour l'instant, c'est Pantin, Montreuil, Bagnolet ou les Lilas que tu squattes. Mais ça, c'était avant. Avant de te voir repousser vers Champs-sur-Marne, Le Raincy ou Sevran, moins sexy. Car dans 10 ans, lorsque tu feras 15 km en 1h30 avec ta vieille bagnole électrique, que tu auras pu t'acheter avec la prime Macron, car tu y croyais, et que toi, tu n'étais pas encore fauché, tout ça pour aller bosser comme indépendant que tu es à contre-cœur depuis plus de 20 ans, au sein du Grand Paris à la sauce JO 2024 de la regrettée Anne Hidalgo, pour qui tu avais certainement voté, tu partiras à l'aube, sans oublier au passage de déposer tes gamins à l'école payante, catégorie B, la catégorie A, tu n'y songeras même pas, pas plus qu'à Montessori réservé à l'élite. Alors là, camarade, tu regretteras d'avoir méprisé, au mieux regardé avec dédain, ces gueux en fluo. Ils se battent aussi pour toi, sache-le. Alors file chez Gosport ou chez Decat, t'acheter ça. Et bats-toi pour eux, mon petit gueux. C'était l'employé de la semaine. Quand il taxe le fioul, qu'il taxe le gasoil, le Macron, il nous parle ravi de l'écologie, ce petit con. Mais quand ils ont voté le fameux budget écolo, amputés, ils l'ont de 600 millions, ces salauds. Nous qui avons un peu la rage, on leur adressa tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Macron nous prend pour des cons. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Macron nous prend pour des cons. Entre nous, plus de controverses. Il n'est pas notre président, oligarque de la pire espèce, gigolo des 1%. Oligarque de la pire espèce, gigolo des 1%. Vous qui êtes payés avec nos deniers grassement, vous dites haut et fort, faites donc un effort, petites gens. Vous les députés, les petites salopes de Macron, qui avouez-le, prenez le peuple pour des cons. Méditez ce simple message d'un peuple qui a bien la rage. Le temps ne fait rien à l'affaire. Macron nous prend pour des cons. qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Macron nous prend pour des cons. Entre nous, plus de controverses. Il n'est pas notre président. Oligarque de la pire espèce, gigolo des 1%. Oligarque de la pire espèce, gigolo des 1%. Important à savoir, la déclaration sur les droits des paysannes et paysans a été adoptée le 17 décembre 2018 par l'Assemblée générale des Nations unies. C'est une victoire qui a bénéficié du soutien de la plupart des pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Quelques réactions ont été négatives, notamment de la part des USA. Les pays européens se sont également montrés divisés. Et ce qui est important à savoir, c'est que la Belgique comme la France se sont abstenus. La Belgique comme la France se sont abstenus. La déclaration sur les droits des paysannes et paysans votée à l'ONU, mais sans la Belgique. Geneviève Savigny dit « Le jeu diplomatique aux Nations Unies donne parfois des résultats surprenants qui, en tant que paysans, nous dépassent un peu. À notre niveau, après tout le travail que nous avons investi à Genève, à argumenter dans les commissions auxquelles nous avons participé, c'est la position de l'Europe qui est la plus décevante. Seuls 5 États européens, Luxembourg, Moldavie, Portugal, Serbie, Suisse, reconnaissent en effet l'urgence d'appuyer les paysannes et paysans. Hein, donc c'est important à savoir. Pour Florence Croff, tous les droits paysans dans un seul texte, tous les droits paysans dans un seul texte, la grande valeur ajoutée de la déclaration est de regrouper dans un même texte international, négocié au sein des Nations Unies, tous les droits fondamentaux spécifiques des paysannes, paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales. Jusqu'à présent, ceux-ci se retrouvaient dans plusieurs textes différents et dans plusieurs instruments internationaux et régionaux. La possibilité de pouvoir réaffirmer ces droits préexistants dans un même texte s'avère important pour protéger leurs droits fondamentaux systématiquement violés aux quatre coins du monde. De plus, la déclaration est un texte de droit international des droits humains, ce qui lui permet de devenir une source d'inspiration directe pour les législations nationales et internationales, plus directes que les directives. Ok, tout ça, ça reste du texte, hein. On sait bien qu'entre la vraie vie et des fois le papier, il y a une grande marge, mais n'empêche, on va dire ça comme ça. On va parler aujourd'hui de la 8e petite foire. Vous savez, ce pied de nez, cet accroche-pied, non, pas vraiment un accroche-pied, mais ce pied de nez à cette grande foire de Libramont, hein. Donc moi, je suis jamais allée à la grande foire de Libramont, et donc c'était aussi la première fois que j'allais à la petite foire. Mais la grande foire, on peut pas la rater sur la route, hein. C'est incroyable. De loin, on voit les stands, mais c'est même pas des stands, c'est des chapiteaux avec des grues. C'est hallucinant, vraiment. La grande foire de Libramont, c'est la plus grande foire agricole d'Europe. Alors, j'ai pas eu le temps d'aller vérifier, hein. Vous savez, de faire une enquête pour voir si c'est vrai ou c'est pas vrai, mais en tout cas, il faut savoir que cette grande foire, c'est un gros business. Voilà, c'est un très très gros business. Et qu'en parallèle de ça, il y a des gens qui en ont eu marre de cette foire agricole de ce genre-là et ont créé autre chose. Ça s'appelle la petite foire. Ils en sont à la 8e fois qu'ils font la petite foire aussi à Libramont, un peu plus loin que la grande foire. Et on s'écoute Catherine, qui organise, qui fait partie un peu de la bande d'initiateurs, on va dire ça comme ça. Elle raconte un peu l'histoire. Et parole aussi également aux gens qui font partie de cette petite foire. J'ai aussi envie de terminer l'introduction en parlant de Nassogne, des élevages industriels qui divisent. C'était publié le mardi 18 décembre 2018. C'était Nicolas Poès. Et ça dit « Un éleveur veut faire passer sa production de 125 000 à 150 000 poulets, un autre de 40 000 à 140 000. Ça se passe au Luxembourg. À Nassogne, deux demandes de permis visant l'extension de poulaillers industriels suscitent l'inquiétude d'une partie de la population. La première demande prévoit la transformation d'un poulailler de 125 000 poulets en une infrastructure capable d'en abriter 150 000. La deuxième concerne des installations le long de la même route, quelques centaines de mètres plus loin. Il est question d'y faire passer la production de 40 000 à 140 000 poulets. Voilà, c'est dingue quoi. Donc il y a des opposants et ils s'inquiètent des conséquences environnementales et sanitaires de tels projets. Il n'y a plus de petite foire, elle est occupée à s'en aller tout doucement, année 2018 là. Et je me retrouve en face de Catherine qui va un petit peu dire qui elle est, mais aussi qui a la parole un peu du groupe qui a créé un peu cette petite foire, si j'ai bien compris. Bonjour Catherine. Bonjour. La petite foire n'est pas finie, elle continue tous les jours. J'espère que les gens qui ont ramené à la fois de l'alimentation, mais aussi beaucoup d'idées, des choses très concrètes, vont mettre en pratique demain. C'est pour ça que je dis qu'elle n'est pas terminée. Okay. Bah, elle est terminée pour les gens qui viennent visiter, en tout cas. Oui, tout à fait. Bien sûr, on referme, on replie les chapiteaux, tous les bénévoles. Enfin, une bonne partie des bénévoles sont encore là. Mais les choses se construisent demain matin, quoi. Alors, qui je suis? Je suis avant tout paysanne. Je suis née dans la ferme de mes grands-parents. J'y ai grandi beaucoup. Intellectuellement et physiquement. Et puis, j'ai une trentaine d'années de militance derrière moi dans ces groupements de producteurs, de collectifs, etc. Je suis membre du MAP depuis pas mal d'années. MAP, Mouvement d'Action Paysanne, c'est un syndicat paysan qui fait partie de la Via Campesina, qui est un groupement, un rassemblement de syndicats paysans au niveau européen, existe dans d'autres continents, le même type de rassemblement au sein, à ce moment-là, de la Via Campesina internationale. J'ai rêvé ou j'ai entendu que la Campesina, ça regroupait 1 million de personnes, ou j'invente? Non, tout à fait ça. Le million, évidemment, il peut y avoir quelques centaines de mille avant ou après. Hein. Mais quand on prend la parole au nom de la Via Campesina, on sait qu'on a énormément de paysans derrière nous, de syndicats, de gens qui ont des gros soucis et en même temps de très belles idées de vie et de production. Voilà, ça c'est pour la Via Campesina. Et toi tu t'es présenté en disant voilà, tu viens de ce milieu quoi, du milieu rural comme on dit. Oui, rural paysan. Bon, mon père n'a pas choisi de reprendre la ferme, c'est son frère, mon parrain qui l'a reprise. Et puis, j'ai vécu ma vie, voilà. Et aujourd'hui, depuis 2 ou 3 ans, j'ai créé avec des jeunes producteurs une coopérative. Donc je reprends pied beaucoup plus dans le terrain maintenant, en faisant vivre cette petite coopérative. C'est important de mettre les mains dans la terre, vraiment, je le faisais toutes ces années, je l'ai fait évidemment avec mon potager, en donnant des coups de main dans d'autres fermes, mais là maintenant on est dans du concret économique aussi. Et donc, c'est juste ce que je dis, tu as à voir avec la création de cette petite foire, vous êtes plusieurs, tu peux un peu contextualiser, expliquer comment ça se fait que vous avez eu cette idée un peu folle? L'idée ne vient pas de moi, elle vient d'Ariane Charrière, qui est paysanne à Muneau, près de Florentville. Un jour, comme pas mal de paysans qui étaient à la grande foire chaque année, moi j'ai fait la grande foire depuis des années aussi, et puis au fil du temps, cette grande foire, elle s'est transformée. C'était simplement le reflet de l'agriculture et la transformation de l'agriculture aussi, qui s'industrialisait de plus en plus. Un jour, Ariane a dit, cette année je ne vais pas à la grande foire. Ras-le-bol, quoi. Et donc, je vais militer sur un petit zoning, toujours à Libramont. Elle n'était pas toute seule. L'année suivante, elle était beaucoup moins seule encore. Et puis, la troisième année, on s'est dit, bon, on ne peut pas rester comme ça, on a l'air de se cacher. Il faut qu'on fasse quelque chose de plus grand. Et on s'est rassemblés à plusieurs, on a réfléchi, on a commencé à chercher un endroit et on a trouvé cette ferme ici, cette ferme Bufflardenne, qui est une ferme paysanne, de l'extérieur. On pourrait croire que c'est une ferme tout à fait conventionnelle, mais non, ici, ils ont décidé de passer à l'agriculture biologique parce que le lait ne leur permettait plus de vivre. Et au-delà de ça, ils commençaient à se rendre compte qu'ils n'étaient plus en accord avec eux-mêmes non plus. Et donc, l'agriculture biologique répondait beaucoup plus à leur besoin de nourrir et leur besoin de nourrir proprement et de vivre en accord avec et en cohérence avec ça. Et donc, ils ont acheté des bufflones, ils ont commencé à faire de la mozzarella. Et voilà, c'est une ferme qui vit bien aujourd'hui. Mais ça c'est dingue. Comment ils ont eu cette idée de faire de la mozzarella alors qu'on a cette image, la mozzarella, ça vient de... Enfin, tu vois, ça vient pas d'ici, quoi. C'est pas ici que... C'est ça qui est... Comment c'est venu cette idée, tu sais ? Ça, je sais pas exactement. C'est au fil des rencontres, c'était des gens qui avaient des soucis. Donc, quand on a des soucis, on cherche à les résoudre. Voilà. Et ils ont trouvé... Ils ont rencontré probablement des gens qui élevaient aussi des bufflones en Italie. Et puis, ils se sont dit, pourquoi pas. Ils ont étudié la chose très correctement. Ils ont monté un plan financier et ils ont vu que c'était possible. Donc, les gens qui entendent, il y a de la mozzarella belge, quoi. Belge et bio. C'est la seule, ouais. La seule belge et bio. Et on la trouve un peu partout parce qu'ils ont un très bon projet économique, de nouveau. Ils diffusent, je crois, un peu partout en Wallonie, à Bruxelles. Je ne sais pas s'ils diffusent en France. Et donc, ils ont un bon distributeur. On trouve leur mozzarella dans tous les magasins bio, ou pratiquement tous. Et aussi dans des chaînes de lait, je pense, et quelques-unes en plus. Donc, on peut la trouver. C'est la preuve que du bon produit, avec un bon plan financier, économique derrière, on ne retombe pas dans le système, mais on utilise les ficelles du système pour en vivre, tout simplement, et pour montrer que c'est possible, et pour permettre à monsieur et madame tout le monde de manger des bonnes choses. Ce produit est exceptionnel. Hein. La mozzarella de bufflone, c'est ce qu'on doit normalement manger, enfin, c'est ce qu'on trouve en Italie. Mais celle-là, elle est vraiment exceptionnelle. C'est merveilleux. Et donc, on continue l'histoire, alors, de ce rassemblement qui part d'une gonzesse, quoi, si j'ai bien compris. Oui, une gonzesse résolue et très militante pour le MAP. Et donc, on a débarqué ici, petitement, très modestement, et on a lancé la petite foire. Et ça fait la 8e édition maintenant. D'année en année, on se professionnalise quelque part, quand même. Parce qu'il faut pouvoir accueillir le public de manière décente aussi. Bien sûr, on fonctionne avec énormément de bénévolat, avec énormément de bouts de ficelle à ballot. Sinon, ça ne pourrait pas se faire, cette ferme. Hein. Enfin, en tout cas, il faut préciser, c'est gratuit aussi. C'est ça gratuit. L'entrée est gratuite. Ouais. C'est une volonté de notre part depuis le début que l'entrée soit gratuite, que le parking soit gratuit. Parce qu'on veut permettre à un maximum de gens d'accéder à cette petite foire. Ce n'est pas une foire commerciale, elle s'appelle foire parce qu'il y a grande foire à côté, elle s'appelle petite parce qu'il y a la grande. Et donc, on veut que ce soit une vitrine de l'agriculture paysanne. Ça veut dire que les exposants, on n'aime pas trop ce terme-là, mais je n'en trouve pas d'autres, que les exposants représentent cette agriculture paysanne. On ne s'inscrit pas à la petite foire, on demande à participer. Les exposants, de nouveau, l'ont bien compris. Et donc, on leur demande d'être avant tout paysans. Pour les producteurs et les artisans, tous ceux qui sont derrière des stands ou des endroits ici dans la petite foire, sont des producteurs qui vivent de leur travail. Les associations qui sont présentes aussi, il y en a beaucoup, sont aussi des associations militantes, militantes pour la cause paysanne. Agroécologie, le développement durable, etc. Et quoi ? Parce que, enfin, on dit, c'est rare qu'on entende le mot aujourd'hui paysan. Ça a même une connotation négative, quoi, le paysan, tu vois. Le paysan, aujourd'hui, ce serait l'agriculteur ou, hein ? L'agriculteur qui est devenu... Qui était paysan, le paysan qui est devenu agriculteur, ou c'est pas comme ça ? Le paysan est devenu agriculteur et puis exploitant agricole. Exploitant agricole, c'est bof, quoi. Il exploite la terre. Nous, on ne veut pas exploiter la terre, on veut vivre avec elle et être en harmonie avec elle. Elle nous le rend bien. Et donc voilà, l'évolution du terme paysan qui revient maintenant beaucoup à l'avant-scène parce qu'il a pris sa valeur, on retrouve sa valeur. C'est l'habitant d'un pays, c'est l'habitant qui respecte le pays. On est tous paysans, hein. On mange tous le matin. Oui, oui, ça c'est sûr. Voilà. c'est un truc qu'on ne pourra pas... on ne connaît pas le futur parce qu'on pourrait arriver à se nourrir de petites gélules. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, pas du tout. Nous, on ne veut pas qu'on se nourrisse de petites gélules. L'agriculture, elle est faite pour nourrir les gens, avant tout le paysan lui-même. C'est ce que je disais hier. Le premier objectif, ça doit être de se nourrir. Et puis de nourrir sa famille ou son collectif. Et puis un peu plus large autour de soi, en fonction de ses bras. Mon parrain me disait toujours, moi j'ai fait grandir ma ferme en fonction de mes bras, de mes deux bras, de mes deux mains, pas plus. Et quoi ça veut dire, genre, de ce que je suis capable de faire, quoi. Et c'est, quoi, voilà. c'est comme si on abolit les machines alors, quoi. Comment tu vois, comment... Faut pas abolir les machines. Les machines, elles sont intéressantes parce qu'elles permettent de ne pas se casser le dos. La plupart des paysans sont vus un peu avant l'âge. Hein. La pension d'un paysan, elle est quand même parfois compliquée parce qu'il a trimé un métier très dur. Et donc la machine, elle est intéressante. La machine qui utilise des énergies fossiles, elle est moins intéressante. C'est ce que nos jeunes et tous les gens qui sont ici ont compris. Il est possible de faire travailler les animaux en étant en accord de nouveau avec eux. Hein. On est bien d'accord avec ça. Mais il y a énormément de machines qui sont aujourd'hui transformées, voire créées. Et ça, c'est la souveraineté technologique paysanne qu'on a voulu démontrer sur la prairie ici avec les démonstrations. Il y a plein de jeunes qui créent des nouvelles machines, qui transforment, qui réparent. Avec les nouveaux tracteurs et les nouvelles machines très sophistiquées qu'on a aujourd'hui, on ne sait plus intervenir dessus. Ça veut dire énormément d'argent pour l'entretien, pour les pannes, etc. Nous, on n'a pas besoin de gros tracteurs. Ils abîment le sol et ils coûtent très cher. C'est une dépendance aux banques. Avec nos petites machines, on est à notre dimension, la dimension humaine. Je réagis à ce que tu dis, le métier de paysan, d'agriculteur, c'est dur. Les deux ont dur. Oui. Que ce soit un agriculteur en conventionnel ou un paysan qui a choisi une démarche un peu plus alternative, on va dire, pour l'instant, en tout cas, j'expliquerai après. Oui, c'est un métier dur. Quand on doit récolter des légumes le matin, oui, c'est merveilleux. Hein. On est dans la rosée, le soleil se lève. Vous pensez que certains jours, il ne se lève pas et que c'est la drache. Oui, mais ça, c'est... Enfin, voilà, j'ai envie de réagir à l'idée que le travail de la terre, en fait, il est dur. Est-ce que ça n'a pas été aussi une justification de se dire, ah, bah, du coup, il y a les machines, tu vas avoir moins dur. Parce que si tu travailles à échelle... équilibré, quoi, on va dire. Hein. Tu ne travailles pas des kilomètres, mais tu as ton espace pour travailler. Je veux dire, pourquoi on devrait justifier ça en disant que c'est dur ? Bah, c'est un travail, oui, tu te lèves le matin, oui, mais tu es quand même en contact, si tu aimes bien ça, tu es en contact avec la nature. Oui, il y a du soleil certains matins avec de la rosée, puis il y a l'hiver aussi, bah, où les choses sont plus au ralenti. Enfin, tu vois, moi, je discute cette notion, mais c'est drôle. Depuis hier, j'entends ça aussi. C'est un travail qui est dur, tu vois, comme si c'était pour dire eh, « Attends, il ne faut pas croire qu'on s'amuse avec le vent, là. » J'avais envie de réagir par rapport à ça. Et puis, le logo des permaculteurs, tu sais c'est quoi ? C'est ? Le logo des permaculteurs, non ? C'est un petit bonhomme dans son transat, mais tu trouves ça peut-être ridicule. C'est un petit bonhomme qui est dans son transat, quoi, pour dire que le légume que tu... Enfin, moi, j'ai eu un peu... C'est pas comme si je parlais comme ça sans en connaître. Hein. Je suis allée un petit peu à des stages d'une semaine ou des choses comme ça, avec les Anglais, là, qu'on crée aussi ce bazar. C'est une autre... Enfin, il ne faut pas retourner la terre non plus, tu vois, à bêcher. Enfin, tu vois, c'est toute une conception. Alors, je discute vraiment là, pourquoi il y a besoin de dire... C'est dur. C'est dur. Alors, quand je dis c'est dur, c'est pénible physiquement, d'abord, mais il y a plein d'autres métiers qui sont pénibles physiquement. D'accord. Par ailleurs... C'est mieux que l'usine, quoi, non ? Oui, c'est mieux que l'usine. Mais bon, il faut des usines. Hein. Il faut quand même un peu d'usine de temps en temps. Ah oui ? On ne pourrait pas recontextualiser, redessiner plutôt le monde sans usine ? À la base, il l'était. Hein. Oui, oui, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il était mieux, mais c'était autre chose. Quand je dis usine, je ne vois pas les grosses multinationales, hein, entendons-nous. Mais bon, le fer, il faut quand même pouvoir le travailler. Enfin, oui, c'est un autre débat, je pense. Je reviens à la pénibilité du métier. Il y a d'autres métiers qui sont pénibles aussi physiquement. Maintenant, il y a des facteurs que le paysan ne maîtrise pas du tout. Comme les intempéries, cette année il fait très sec, et ben, plus rien ne pousse. Et là, c'est pénible. Là, c'est pénible parce que tu ne reçois pas la juste rémunération de ton travail. Tu as beau faire autant d'efforts que tu veux, travailler dans la qualité, c'est quand même... tu ne maîtrises pas. Tu ne maîtrises pas et il y a un tas d'autres métiers où c'est pénible, mais tu sais quand même maîtriser, tu vois. C'est ça que je voulais dire, le mot dur. Maîtriser dans quel sens, maîtriser en avoir la maîtrise. Ici, tu ne peux pas maîtriser les conditions climatiques. Oui, c'est comme ça que tu veux dire. Les conditions climatiques, elles sont là. Oui, mais je veux dire, quand tu vois dans les magasins, les gens... on est dans un monde de fous, quoi. On essaye de maîtriser. Tu sais, même les assurances sont là. Le moindre problème est assuré. Oui, Je prenais pas le mot maîtrise dans ce sens-là. Hein. Je dis il y a des facteurs incontrôlables, comme les intempéries, mais aussi comme les prix du marché. Les prix du marché sont complètement faussés. On est dans une économie qui est tout à fait faussée. Les prix ne sont pas justes. Et les réflexions sont souvent... mal fondé par rapport au prix, au coût de produits bio, ils sont à des prix tout à fait normaux. C'est les prix des produits industriels qui ne sont pas à des prix normaux. C'est super important d'entendre. Hein. Oui, oui. En fait, c'est le système, c'est l'Organisation mondiale du commerce, c'est tous les accords qu'il y a autour de l'argent et de la nourriture principalement qui ont fait que c'est le collectif qui soutient ces prix-là. C'est dans nos poches qu'on vient chercher l'argent qui permet de continuer à produire autant à un si bas prix. C'est les gens qui souffrent et une majorité de paysans qui travaillent sur les terres et qui ne sont pas payés normalement, qui travaillent dans des conditions intenables et inhumaines. C'est tout ça qui fait que on continue à pouvoir acheter du poulet à 1 euro, quoi. C'est pas normal. C'est notre prix à nous qui est normal. Parce qu'on a mis le produit à prix. Et le vôtre, pour voir la différence ? Oui. Mais c'est quoi le prix entre 1 euro que tu dis et quoi ? Un poulet... 15 euros, hein, normalement. Un bon poulet pour montrer que les gens vivent derrière. Oui, c'est ça. Mais un poulet, ça se mérite quelque part. Je veux dire... Moi, je ne mange pas du poulet tous les jours. C'est pour moi un aliment merveilleux. Ça a pris le temps de grandir. Il y a beaucoup de respect derrière. Il y a du travail pour que ce poulet prenne de la chair, etc. Pour qu'il ait une bonne nourriture aussi. Et donc, je n'ai pas envie d'en manger tous les jours. C'est un peu sot, quoi. C'est comme manger de la viande tous les jours. Au-delà du fait qu'il y a énormément de pollution, mais elle est surtout lié au monde industriel de la viande. La viande, il ne faut pas en manger tous les jours, quoi. Mais quand je mange un bon morceau de viande, parce que j'aime la viande, j'ai beaucoup de respect pour cette viande, quoi. Et donc, je suis prête à mettre le prix qu'il faut, mais je ne mangerai pas de la viande tous les jours. Pas pour une question d'argent uniquement. Et donc, Catherine, petite foire, tu vois... Tiens, dans le temps, puisque ça fait 8 ans, la 8e année, qu'est-ce que tu as pu voir d'intéressant dans cette foire qui a avancé, en fait, hein, qui a bougé, qui a plusieurs années, quoi, c'est ça surtout que je veux dire. L'évolution de la petite foire, c'est... bien sûr, en termes de chiffres, on est maintenant à un peu plus de 8000 visiteurs, plus ou moins. On n'est pas à 100 près. C'est l'intérêt que les gens ont par rapport à ce qui se passe ici. La petite foire, elle est vraiment la vitrine de l'agriculture paysanne, de l'agroécologie, même pour prendre un terme beaucoup plus proche, cohérent avec ce qu'on fait. Et l'intérêt que ces gens ont dans les stands, dans la rencontre. Ici, on ne vient pas avant tout pour acheter. On vient pour partager. Partager des choses. Et les exposants, de nouveau, qui sont là, ils ne viennent pas avant tout pour vendre. Bien sûr, ils ont des produits, il y a une réalité économique derrière. En tout cas, moi, hier, j'étais dans les parties où il y a le stand. Oui. Les petits pains, oui. Avec une espèce de pizza, mais qui n'était pas une pizza, c'était mieux qu'une pizza plus meilleure, quoi. Ça partait à une vitesse de dingue, quoi. Enfin, il y avait quand même là des affaires qui se faisaient, quoi. Oui, même avec avec de la bonne bouffe, hein, mais n'empêche, il y avait quand même ça. Oui, mais on propose de bonnes choses, ouais. Et les gens ont envie de goûter, ils ont faim, ils mangent, quoi, c'est normal. Mais au-delà de ça, la petite foire propose de la nourriture intellectuelle qui est vachement importante. Si les gens ont envie de conserver une bonne nourriture et d'aider ceux qui produisent, il faut pouvoir nourrir les têtes et expliquer le concret d'une ferme, quelle qu'elle soit, hein, dans n'importe quelle production. Il faut expliquer le concret d'une ferme, il faut expliquer les enjeux qui sont derrière, les conférences, débats qu'on propose, c'est ça aussi. Au-delà des contacts très directs qu'on a avec les producteurs et les artisans qui sont ici, c'est de pouvoir nourrir et expliquer que les enjeux sont importants pour les générations à venir, pour nous, aujourd'hui. On ne va pas dans le mur, on est dans le mur. On doit réagir vite et en masse. C'est le collectif qui va changer les choses. Mais oui, on arrive tout doucement à la fin, mais... tu vois le futur comment par rapport à ça? Parce que la petite foire, c'est une alternative, c'est montrer qu'il existe autre chose, autrement, même par rapport à ce grand monde qui est complètement fou. Enfin, tu vois, quel est le poids de cette petite foire? Comment tu traduis ça? C'est quoi le message que tu auras envie de dire? Mais aussi concrètement, comment est-ce que tu vois le futur, quoi? Ah, la petite foire, c'est jamais qu'une goutte d'eau, hein. C'est une goutte d'eau annuelle, je dirais. À côté de ça, le mais qui s'agrandit quand même, t'as l'air de dire. Ça grandit, oui. L'objectif n'est pas d'avoir une foire avec 100 000 visiteurs. Sinon, ça redevient la grande foire. Mais oui, on retombe dans le système. On n'a pas l'envie de grandir, on a envie de multiplier. C'est très différent. Peut-être qu'il y aura d'autres petites foires ailleurs, mais toujours portées par le MAP ou par des mouvements qui prônent l'agroécologie. J'ai oublié le fil de mes idées. On a le temps, mais je peux te la reposer. C'est comment vraiment tu vois l'avenir, mais très concrètement, à quoi ça sert tout ça? C'est quoi le grand monde? Oui, l'avenir, c'est l'engagement des gens. On en a parlé, tu en as parlé aussi au travers de la charte commune paysanne. On a décidé cette année de profiter des élections communales pour intervenir auprès de nos voisins, nos élus. Le bourgmestre, tu peux frapper à sa porte, c'est ton voisin, et donc lui, tu peux l'interpeller. Tu peux lui dire que tu as voté ou pas pour lui, mais en tout cas qu'il est mandaté pour gérer les biens communs. Les biens communs, c'est l'eau, la terre, le vent, et donc on veut que ce soit géré un peu mieux. Et donc, par cette action-là, par exemple, ça permettra, j'espère, de multiplier, de démultiplier les actions concrètes de terrain pour l'agriculture paysanne. Il y a plein d'autres choses à faire, mais nous, on a ce créneau d'agriculture paysanne. C'est une chose. D'autres choses, c'est de s'investir. Il faut que les gens s'engagent. C'est, enfin, râler dans son coin, ça ne sert à rien. Il faut râler avec les autres. Et il faut que ça s'entende. Et au-delà de râler et que ça s'entende, ou de manifester, il faut faire des choses concrètes. Tout le monde peut faire quelque chose. On a chacun deux mains, on a chacun une tête, et on peut, d'une manière ou d'une autre, demain matin, trite des chiens un peu mieux, mange quelque chose de meilleur, et va rencontrer le paysan qui a produit ce que tu manges. Donne-lui un coup de main de temps en temps, apporte-lui tes idées. t'es pas forcément un travailleur manuel, mais si tu sais monter des dossiers, va les monter, va lui donner un coup de main pour que lui les monte. Si tu es banquier, essaye de faciliter un peu les choses. Je sais pas, si tu vends du matériel agricole, essaye de l'aider aussi à travers tes propres compétences à toi. On est tous paysans, tous les matins en mangeant et en foulant le sol. Ça c'est important. Il faut s'engager. Il faut arrêter de râler dans son coin et il faut le faire. Il faut s'engager. C'est ce que j'ai envie de dire. Merci Catherine. Merci aussi. Bonjour. Bonjour. Il n'y a pas de caméra, vous inquiétez pas, c'est juste un micro. Je suis un gentil micro. Vous avez... Ah oui, vous avez un... Ça va ? Vous n'êtes pas à la foire de Libramont ? À la grande ? Non, pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'on a envie de connaître ceci. Ah, vous êtes déjà allé à la grande foire ? Non, du tout. Non, mais on avait envie de connaître celle-ci dont on nous a parlé, voilà. Et pourquoi vous aviez envie de connaître celle-ci ? Parce qu'elle est alternative, justement, voilà. Qu'est-ce que vous trouvez que c'est alternatif ? Vous êtes là depuis un petit temps, là, dans la foire ? Oui, c'est super sympa, en tout cas. Il y a une belle ambiance, et on découvre, mais avec plaisir. Mais oui, j'aurais envie de rentrer un peu plus dans le cœur du sujet. Mais quoi, alternatif, pourquoi ? Pour consommer alternativement ou vous voyez, quoi, alternatif ? Qu'est-ce qui est alternatif ? Question. Je veux dire, si on voit ici, on est dans une allée comme ça où il y a plein de stands. Évidemment, quand on rentre dans le vif du sujet avec les gens, on imagine qu'ils font de l'économie autrement. Oui. Ou en tout cas, qu'ils produisent autrement. Oui. Vous êtes consommateur. Oui, tout à fait. Vous ne produisez pas. Je ne produis pas. Mais qu'est-ce qui de consommer autrement. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de voir autant de personnes qui essayent de produire autrement. Et pourquoi ? Parce que je pense que c'est vraiment ça l'avenir. J'en suis intimement convaincu, donc voilà. Et vite pour pas vous bloquer. Hein. C'est compliqué pour madame. Pour pas bloquer. Pourquoi c'est ça l'avenir ? Parce que pour moi, c'est la seule alternative. Oui, alternative. Pour moi, c'est le seul chemin possible. Ouais, j'aurais envie de savoir, mais comment c'est possible alors que là, il y a la grosse foire là qui ramène plein de gens, bien plus qu'ici. Vous voyez, comme les petites fermes sont occupées à mourir. Comment vous voyez les choses ? Est-ce que c'est du concret ? Vous êtes réaliste ou bien vous... Je pense que je ne suis pas toujours réaliste. Je pense que j'ai, ça fait partie de moi d'être un peu idéaliste. Mais quand je viens ici, j'ai l'impression que je ne suis pas si idéaliste que ça, que c'est réaliste aussi. Donc ça me fait plaisir, moi, ça me fait plaisir de voir et d'encourager et de participer à ça. C'est simplement. Vite après, j'arrête. Mais à part consommer oui. Différemment, est-ce que vous avez déjà réfléchi aussi à savoir que cette alternative est possible dans du concret à grande échelle, ou bien c'est aider à que ça restera à petite échelle, vous voulez dire. Est-ce que je pense que ça restera à petite échelle, ou c'est pas ça votre question ? C'est un peu l'idée, comment se battre, comment faire pour se battre contre le grand système, même avec des alternatives ? Pas l'idée de se battre, parce que se battre c'est violent. On est quand même dans des luttes, hein, monsieur. C'est une lutte, mais... Pour le moment, on vit bien. Une lutte où se battre, comme vous dites, pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Mais moi, je suis pas sûr que ça reste si petit que ça. Moi, en tout cas, j'ai 50 ans. Et je vois les choses qui évoluent et qui changent. Petit à petit, lentement. Mais je vois qu'elles changent sûrement. Je vois beaucoup de personnes jeunes. Moi, je vois plus de personnes jeunes, c'est peut-être parce que je fréquente plus ce genre de milieu, plus de personnes jeunes qui démarrent des choses, qui essayent des choses, qui croient, qui forment des coopératives, etc. Beaucoup plus qu'avant. Donc, ah oui, voilà. Ça c'est sûr. Moi, je reste tout à fait optimiste aussi par rapport à ça. Donc, Tant mieux. Hein. Je vous remercie vraiment pour votre temps, vous êtes chouette. Je ne suis pas très habitué à répondre à des questions. Non, mais c'est chouette parce que du coup, ça, vous savez, quand on prend le temps avec les gens de réfléchir plus loin que simplement « Bonjour, ça va, monsieur ?» Vous voyez, on est à la foire de Libramont. quelque part, si, on est à la foire de Neuchâtel. Non, Libramont, c'est plus loin. Oui, oui, oui. Vous êtes de quel coin, vous ? Alors, moi, je suis très loin. C'est la région de Verviers. Ah, oui, oui, rien à voir. Mais je suis aussi surpris, agréablement surpris, de voir que pendant la foire de Libramont... La grande, quoi. La grande, ça draine autant de personnes. Et ça, c'est, je trouve... je savais que ça... Ah oui, non, on s'est trompé, là. La foire de Libramont, c'est la toute grande, et ici, oui, c'est la foire de Neuchâtel. Oui, c'est la foire alternative. Voilà. Vous êtes étonné qu'il y ait autant de monde ? Mais oui, parce que c'est la grande foire qui amène énormément de personnes. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de personnes ici. J'étais agréablement étonné en arrivant le matin. Donc, c'est super. Ouais. Et je pense que ça grandit chaque année. C'est la 8e fois. Donc, si on le refait, c'est que ça fonctionne. Et que... Vous n'aimez pas les bagarres, alors, ni... on est quand même... Non, mais écoutez ma façon de voir. On est quand même dans une bataille, monsieur. J'aime bien de lutter, mais il y a moyen de lutter de manière pacifique. Voilà. Oui, mais c'est un peu... Ça, c'est bisounours aujourd'hui. Hein. C'est très bisounours, non, ça. Vous trouvez que Gandhi était bisounours ? Mais justement, renseignez-vous. Moi, je me suis renseigné, je disais comme vous avant. Mais Gandhi, renseignez-vous. À un moment donné, il a dû user de la violence pour pouvoir obtenir ce qu'il voulait. C'est pas l'image qu'on a de lui. Mais non, mais justement, renseignez-vous. Et je me compare pas à ces gens-là. Mais en tout cas, c'est admirable d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Vous me dites renseignez-vous, mais... Ok, il a certainement eu des excès ou des accès de violence comme tout le monde, comme tout être humain, mais son combat, il était quand même pacifique. Nelson Mandela, il disait, parce que je l'ai entendu il y a 2 jours, il disait en gros qu'il faut essayer de régler les conflits dans la paix, oui, mais quand c'est pas possible. Et Gandhi, il a fait pareil. Hein. À un moment donné, vous voyez, on va pas vous donner les choses comme ça sur un plateau. Vous voyez, à un moment donné, ce serait trop simple, la vie. Quoi. C'est pour ça que je dis que c'est une bataille. On essaye de la faire dans la paix, mais à un moment donné, jusqu'où, vous voyez, ouais. Voilà. Il faut mouiller son t-shirt, hein. Il faut pouvoir le faire, ça c'est clair. Ça. Merci beaucoup, monsieur, vous êtes chouette. Ça va, monsieur ? Je fais un petit reportage sur la petite foire. Non, vous avez une petite mine là, hein. Ouais, vous n'avez pas l'air en forme. Dommage parce que vous faites de la laine. C'est ça, oui. Vous-même ? Nous-mêmes, ouais, du mohair. Et quoi, vous voulez pas en parler non ? Non, on n'a pas vraiment le temps. Je ne parle pas ici en tout cas, on n'a pas le temps. Non, merci, c'est gentil. Oui, mais de toute façon, je ne vais pas vous forcer, hein. Vous dites ? J'avais pas vu, vous aviez un micro. Pourquoi ? Vous n'avez pas vu du tout d'ailleurs. Ah bah voilà, maintenant, ça va ? Oui, ça va bien, et vous ? C'est pour du média alternatif en fait. Ok, très content de l'alternative aujourd'hui alors. Oui ? Oui, c'est une belle petite foire. Oui ? Ouais. Vous venez souvent ? C'est la deuxième année. Parce que ce sont des amis qui m'ont initié, des locaux. Et puis on est content de revenir chaque année. Vous n'allez pas à la grande ? À la grande foire ? Quand j'étais plus jeune. Maintenant, mes convictions ont changé peut-être un peu. Intéressant, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé ? D'être un peu plus proche de la terre, de la nature, et de savoir un peu ce qu'on peut, comment on peut s'alimenter aujourd'hui de façon un peu meilleure qu'avant. Et puis on se rend bien compte que le libéralisme, le capitalisme, c'est ce qui nous emmène dans des rêves. Et à mon âge, on rêve plus. Dans des rêves ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Mais pour les jeunes, qu'est-ce qu'on leur promet ? On leur promet du travail, on leur promet une vie qui va être très bonne à partir du moment où ils rentrent dans le système. Mais on voit bien aujourd'hui que ça marche pas, même en Belgique, c'est compliqué. Absolument, absolument, mais il faut une génération pour s'en rendre compte, quoi. Moi, ma génération, on est passé par les deux. Où on avait du travail dans les années 80, 90, encore aujourd'hui. Et puis maintenant, nous, on a appris à nos enfants à se dire qu'il y a autre chose peut-être que ce qu'on a connu avant. Voilà. Et quoi, vous croyez que c'est possible, je dis ça pour rigoler, hein, entre la grande foire et la petite foire, vous croyez que la petite foire, je dis ça pour rigoler, hein, monsieur, peut gagner ? Ou bien tout ça, c'est simplement... Non, c'est l'avenir qui nous le dira, mais en tout cas, moi, je trouve déjà qu'en 2 ans, il y a une organisation qui doit se mettre en place pour que le parking soit un peu mieux organisé, que les gobelets soient cautionnés. Donc, on sent bien aussi que... Ça devient capitaliste, quoi. Non, je pense pas que ça le sera. Mais que la petite foire va s'inspirer du modèle un peu des foires un peu commerciales et libérales. Alors là, je ne vous suis plus du tout. Hein, donc, ouais. Mais il faut qu'elle garde... Justement, sa particularité. Je suis d'accord. Mais en même temps, maintenant, il y a des stands où on peut payer par carte. Oui, mais ça, c'est pas vraiment... Moi, je crois que l'idée... Je vais trouver les organisateurs, mais l'idée, c'est de montrer qu'une alternative existe. Regardez, discutez avec les gens. L'alternative, elle existe. Elle est là, regardez tous les petits stands. L'alternative, elle existe. D'ailleurs, vous recevez un petit bracelet pour vous identifier à l'entrée. Vous recevez, vous mettez une participation comme vous le souhaitez. C'est gratuit. Hein. Voilà, exactement. Donc, il y a énormément de points. Mais en même temps, on se met que l'organisation, pour répondre à sa croissance, parce que je pense que ça fait 8-9 ans que ça existe et ils sont de plus en plus nombreux, pour répondre à cette croissance, il faut qu'ils apportent une organisation qui s'inspire de quelques modèles d'organisation de foire commerciale. Pas dans l'âme, dans l'organisation. Bah, elle est bien faite, l'organisation. Elle est super bien faite. Bon, revenons aux idées politiques. Après, on va pas s'éterniser, mais quoi. Enfin, j'aime pas parler de politique des gens en famille et j'aime pas parler de politique non plus. C'est quoi la politique pour vous ? Aujourd'hui. Moi, je parle pas des. C'est une démocratie. C'est une démocratie égoïste. Mais en même temps, on est dans un des plus beaux continents en termes de quand même liberté par rapport à d'autres continents. Pourquoi ? Pourquoi vous dites ça ? Par rapport à quoi vous dites ça ? Par rapport à quoi ? Par rapport à une qualité de vie ? Par rapport au fait qu'on sait très bien que nos gouvernements nous manipulent en nous faisant croire qu'on a énormément de liberté et qu'on vit dans une démocratie, mais en même temps, ils en abusent eux énormément. Hein ? Il y a des scandales qui n'arrêtent pas depuis plus de 10 ans maintenant. Donc on se rend compte que oui, on peut voter. Mais en même temps, ça ne change pas grand-chose, quoi. Voilà, mais c'est un long débat, madame. Oui. Mais quand vous dites « je n'aime pas parler politique en famille ni avec les amis », c'est ça que vous dites ? Oui, parce que... C'est dingue, parce que la politique, elle est là partout. On marche dessus, on respire. Mais en même temps, c'est bien que même dans une famille ou bien même avec des amis, on peut avoir des points de vue différents. Et c'est pas toujours évident de pouvoir les partager, surtout en famille. Parce qu'on a des sensibilités et quelquefois des égos démesurés. Moi, j'aime bien parler de tout et ça ne me dérange pas, en écoutant l'autre et en ayant mon avis aussi. Voilà, et c'est ça un peu la démocratie. Ouais, d'accord, ça fait des bagarres du coup en famille des fois, des trucs comme ça. C'est un gros mot, mais il y a peut-être le ton qui monte un peu, surtout que c'est un repas un peu arrosé, donc ça aide et ça désinhibe aussi l'alcool. Et donc il y a des gens qui... se lâche un peu, mais il y a des sujets qu'on évite, c'est la politique en famille, quoi. Ok ? Merci à vous. Quelque chose à rajouter spontanément sur tout ça ? Oui, j'étais content d'échanger avec vous. Aussi, beaucoup. Bon après-midi. Merci. Ah d'accord. C'est quoi cette bête, là ? Tu veux vraiment pas copier, pas ? Ouais. Bon, allez, bon après-midi. C'est une salamandre. Oui. Bon. Oui, tes cheveux ont... L'expansion. Oui, et ils sont gris, non ? Ils n'étaient pas gris ? Ou ils étaient déjà gris ? Oui, mais doucement. Ok. Bon, le micro, il est là, mais on ne voit pas, il n'y a personne, c'est anonyme. Hein ? Mais tes petits pains, ils partent comme des petits pains, justement. Hein ? Dis ? Je dis à fond, ils partent comme des petits pains. Regarde, madame va en acheter. C'est dingue. Ah oui, donc il y a des gens qui sont venus en ramener pour toi, pour les vendre. On a ramené, ils ont ramené le stock complet de pain, là. Des poutres et de froment. Non, et des blés anciens. Mais donc l'idée comme ça, parce que moi je balade mon micro un peu, même aux gens, tu vois, là t'es le premier qui vend des choses ici, auquel je tends mon micro. Ouais. Mais c'est artisanal en fait tout ça, c'est une petite boulangerie dans un patelin. C'est une toute petite boulangerie avec un seul four au bois et on fait... Au bois ? Oui, c'est chauffé au bois et tout. Et on fait un jour par semaine, tous les mardis, sauf exceptionnellement, genre pour aujourd'hui, pour la petite foire, etc. Un jour par semaine, tu veux dire que... On cuit du pain le mardi, et on peut venir le chercher le mardi soir, ou bien on le vend aussi le mercredi au marché à Florentville, le matin. Ok, vous avez un endroit où vous faites du pain, qui le mardi est chauffé, et le mercredi est vendu, et puis basta. Et puis basta, oui. Parce que les gens qui font le pain ont décidé qu'ils ne le faisaient qu'une fois par semaine, et voilà. Ils n'ont pas envie de courir, de devenir une énorme boulangerie, donc ils font leur pain, ils aiment ça. Et quand c'est qu'un jour par semaine, ils aiment ça. Si ce serait toute la semaine, peut-être que ce serait moins bon. Ça rapporterait beaucoup d'argent, mais peut-être ils en auraient marre tout de suite, quoi. C'est toujours ça l'idée, en fait. Hein. Si on sait être content de ce qu'on a, c'est bien. Mais souvent, t'es content, ça marche bien, donc tu veux agrandir et puis tu vas. Hein. Voilà, ouais. Faire plus et plus et plus et plus. Non. Pas plus. Nous, on est comme chez Orval, quoi. On fait une production, après vous achetez, et puis ça s'arrête, quoi. C'est parti. Toujours suite, c'est la suite à la petite foire de Libramont. Et le hasard, vous savez, il y a des gens, évidemment, il y a plein, il y a pas mal de monde, on va dire. Et du coup, j'ai rencontré un monsieur lors d'un débat ici, parce qu'il y a des espaces conférences, ça s'appelle comme ça. Et un monsieur qui, barbu, avec des lunettes, là, qui m'expliquait qu'il avait en gros de la bouteille sur tout ce qu'on discute ici à la petite foire, que ce soit... expliquez-nous d'abord, peut-être petite présentation de vous, cher monsieur. Je suis José Domery, j'étais enseignant en horticulture. Je me suis occupé de personnes handicapées où j'ai enseigné la permaculture et aussi avec des toxicomanes dans la région de Charleroi qui ont intégré un projet permaculture pour le Fonds social européen. Voilà, c'est à peu près tout mon parcours et des actions paysannes aussi que j'ai menées un peu partout. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que vous avez de la bouteille. C'est-à-dire que vous êtes, comment on dit, retraité, c'est ça? Là, c'est la fin de... Vous n'êtes plus payé pour ce que vous faites, quoi? Non, ça vous fait... Vous avez l'air de l'avoir pris mal que je dis que vous étiez retraité. Genre, il m'a regardé vraiment de traviole, là, si vous l'aviez vu. Non, certainement pas. Ça fait plus de 15 ans que je suis retraité de l'enseignement. Et tout ce que je fais ça bénévolement. D'ailleurs, toutes les initiatives que j'ai menées dans des écoles, que ce soit avec le parc naturel, avec un tas d'associations, je les ai tout le temps menées bénévolement. Je n'ai jamais demandé un franc à personne, quoi. Ce qui compte, c'est de laisser des traces dans la jeunesse et c'est de faire évoluer le système. Oui, oui, mais moi, je discutais pas du fait d'être bénévole ou pas. Enfin, je voulais simplement que les gens comprennent que vous avez déjà une vie derrière vous, d'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Et qu'aujourd'hui, vous continuez la vie et vous m'expliquiez hors micro que vous étiez engagé dans plein de choses. Entre autres, ce qui m'intéressait aussi, c'est que vous aviez l'air de dire que le politique, en gros, aujourd'hui... il faut plus trop compter dessus pour faire changer les choses. Voilà, et j'avais envie d'entendre ce que vous aviez à dire. D'abord, pourquoi vous dites ça, quoi? Pourquoi je dis ça? Parce que les politiques traditionnelles, ils font semblant de vous écouter pour vous récupérer. C'est ça qui les intéresse, mais en réalité, ils sont tous les mêmes. Quand on voit les traités d'austérité que tous les partis traditionnels votent au niveau européen, on a compris. Donc moi, j'ai aucune confiance aux partis traditionnels. Oui, mais pourquoi? Enfin, ok, on entend ça, mais c'est un peu... Vous proposez quoi, alors? C'est ça que j'ai envie de dire. De changer la politique. Mais oui, mais expliquez-moi... Changer la politique, avoir une autre démocratie, parce que pour moi, c'est pas la démocratie actuellement. On va juste voter, puis on n'a plus rien à dire. Il faut que ça aille plus loin, que le citoyen ait encore ait ses rapports de force pour contrecarrer les politiciens, quoi. On fait comment comme ça alors? Parce qu'à vous entendre, on dirait qu'il suffit d'eux, mais c'est pas si facile que ça. Non, c'est pas si facile que ça, ça prendra du temps, il faut changer les rapports de force, il faudra changer la politique. Okay, mais là, c'est le citoyen qui décidera. Moi je crois que le citoyen n'est pas suffisamment acteur de ce qu'il veut, quoi. Et comment ça se fait ça? Parce qu'il doit se bouger le cul et je crois qu'on est dans un attentisme et on n'a pas l'intention d'aller plus loin. C'est une erreur, je trouve. Moi, j'ai 67 ans, je suis bourré d'énergie et j'ai envie de me battre pour mes enfants, mes petits-enfants, quoi, parce que le système ne fonctionne pas, quoi. Ok, mais comment faire? C'est ça aussi la question, parce que oui, peut-être, comme vous avez déjà sûrement un certain âge, je fais de l'impro aussi, moi, hein. Comme vous avez déjà sûrement un certain âge, la phrase, quoi. Vous avez dû, en vous retournant en arrière, dans l'histoire, par exemple, avec un grand H dans l'histoire, vous avez, enfin, il y a des conquêtes, il y a des choses qui se sont passées, quoi. Est-ce que vous auriez comme ça un regard intéressant sur cette manière qu'on filait les années derrière pour dire quelque chose, quoi, par rapport justement à ce monde qui ne bouge plus trop, quoi, à ces citoyens un peu amorphes, au fait que le politique... Enfin, voilà. De toute façon, ce sont les multinationales qui dirigent la planète et le politique n'est plus qu'un exécutant et c'est là que ça doit changer. Oui, mais tout ça, on va dire, on sait, vous voyez. Moi, ce que j'aime bien, c'est d'entendre votre vision à vous. Tiens, comment est-ce que vous êtes construit? Comment vous avez amené petit à petit? Vous n'êtes pas né dedans, quoi. Hein, vous n'êtes pas né avec votre regard comme ça, qui était un peu alternatif, quoi. Vous avez dû construire aussi une pensée. Et j'aurais aimé entendre ça, plutôt que... Bon, évidemment, les multinationales dominent, le politique, nanani, nanana. Bah, parce que j'ai galéré. Et que j'ai retenu les leçons du passé, quoi. J'ai pas tout le temps eu cet avis-là. Il y a une quarantaine d'années que j'ai pris conscience qu'il fallait changer en produisant mon alimentation moi-même, en luttant contre des incinérateurs dans ma région, qui étaient archi-polluants. Bon. Ouais, je crois qu'on se comprend pas, mais j'ai envie de comprendre comment ça se fait, comment c'est arrivé. Comment vous avez pensé cette pensée, justement? C'est pas arrivé tout cuit. Vos parents, j'imagine, pensaient comment, eux, par exemple? Moi, je viens pas du tout de ce milieu-là. Je viens d'un milieu quand même agricole, ouvrier. Mais ça n'a rien à voir avec ma famille. Je crois que c'est inné en moi. J'ai toujours été avec une pensée comme ça, écologique. Oui, mais elle n'est pas venue comme ça du Saint-Esprit. J'imagine que vous avez bouquiné, vous avez fait des rencontres. Ah oui, mon avantage, c'est que j'ai côtoyé pas mal de gens intéressants et que j'ai lu pas mal de bouquins dans mon domaine, qui est l'horticulture, l'agriculture, l'écologie, parce que je reste un écologiste convaincu. Je ne parle pas de l'écologie politique, parce que je n'y crois plus. Ah donc alors c'est en bouquinant, en faisant des rencontres, que vous vous êtes dit « Ah ben là, il y a des choses intéressantes à faire, quoi. » Oui, dans des rencontres intéressantes avec, par exemple, Ricardo Petrella, les combats qu'il mène sur l'eau, avec... je sais plus son nom. Avec les oasis en tout lieu de Pierre Rabhi, c'est des gens que j'ai rencontrés, tout ça. Des amis de la ferme arc-en-ciel ici à Ouélin qui sont dans l'organisation de cette foire, quoi. J'ai côtoyé des gens intéressants qui m'ont ouvert l'esprit. Et qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant à comprendre, là? Ben, que la société perd la boule, quoi, qu'il faut changer la société, qu'il faut montrer l'exemple. Comment alors? Ben, par des initiatives comme cette petite foire ici aujourd'hui, des initiatives comme la ferme arc-en-ciel qui produit une alimentation permaculture, écologique. C'est ce que je fais aussi chez moi. Je nourris toute ma famille de façon écologique depuis 40 ans. Toute l'année? Je ne suis pas autonome à 100%, ça ce serait mentir, mais... En viande, en légumes, tout ça pour toute l'année, ouais. Ouais. Vous faites aussi de la viande? Oui, oui. Je ne suis pas végétarien. Je l'ai été un petit peu, mais... Non, mais moi, il faut pas, je veux dire, ça veut rien, enfin, soyons à l'aise. Hein. Moi, j'aime bien la viande, la bonne viande, voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Ce qui est problème, c'est les grosses industries qui traitent le bétail comme un objet, comme une chose. Mais quoi, vous faites quoi comme animaux? Ce que j'ai comme animaux, c'est des vaches de race Jersey qui font de l'éco-pâturage pour le parc naturel, par exemple, dans des réserves naturelles. J'ai des vaches rustiques qui ne prennent pas d'antibiotiques ni quoi que ce soit, quoi, qui sont élevées naturellement. Je fais un peu de poulet fermier, j'ai des poules pondeuses, je fais un cochon aussi. Donc ça existe, il y a moyen d'être dans des choses entre guillemets saines, quoi. Vraiment, vous le promettez. Vous ne donnez pas de saloperie à vos animaux. Je n'ai jamais donné de saloperie à mes animaux, non. Vraiment? Oui, vraiment. Mais donc, génial, c'est rassurant de savoir, et ça se passe en Belgique, quoi. Oui, ça se passe en Belgique. Je ne suis pas le seul, hein. Il y a d'autres personnes qui travaillent dans le même sens que moi. Et quoi, et vous croyez que le rapport de force, parce qu'évidemment, on réalise ici à la petite foire, ben oui, il y a des alternatives, ça existe, il y a moyen... de produire autrement, voilà, et c'est la preuve ici à la petite foire, mais à échelle mondiale, est-ce que vous croyez qu'on peut se bagarrer? Est-ce que vous croyez que ça fait le poids, tout ça? Comment vous voyez les choses? Face à l'argent multinational, ce sera difficile, mais je suis persuadé qu'il faut continuer à se battre. Moi, je pense qu'on doit vraiment se battre. Et comme je l'ai déjà dit, il faudra changer les rapports de force. Ça prendra du temps. C'est le citoyen, le consommateur qui doit imposer sa vision. Une autre alimentation est possible. Et comment imposer sa vision, le citoyen? On a compris, pas en allant voter. Ça marche pas comme ça. Ou bien en allant voter quand même? En allant voter peut-être autrement, mais pour l'instant, je ne vois pas beaucoup d'alternatives. Et donc, vous n'imaginez pas aussi un combat, un vrai combat, à aller dans la rue? Vous réagissiez à l'espace conférence, vous avez pris le micro et vous avez dit c'est aussi les gens qui doivent aller dans la rue, vous avez dit. Oui, parce que c'est un combat que je mène depuis 40 ans. Je suis dans la rue, notamment concernant le CETA. Les antinucléaires plutôt, j'étais déjà de ceux-là il y a des années. Le droit à la pension pour tous, toutes ces choses-là sont des initiatives à laquelle je participe. Quoi. Et quoi, on va terminer là-dessus. Dans le temps, vous avez vu un changement positif ou négatif? Parce qu'on a l'air d'être, j'ai l'air d'être en face d'un vieux de la vieille qui était dans tous les combats. Est-ce que vous avez vu qu'il y a des choses positives? Si oui, lesquelles? Ou plutôt négatif alors? Bon, il y a des choses positives. Hein. Sur la foire ici, on parle de circuits courts. Ben, les circuits courts, ça fait un bout de temps que ça existe, mais maintenant on les amplifie. Ce qui compte, c'est que tous ces circuits courts, comme M. De Schutter a dit, ne soient pas récupérés par les multinationales qui en fassent un grand marché et qui sabotent vraiment tout le système qui est de bonne foi. Quoi. Et les choses négatives alors? Pour moi, les choses les plus négatives, c'est les conflits mondiaux actuellement avec le Moyen-Orient et l'Amérique. C'est les plus négatifs, la situation des réfugiés, des migrants. Ça, c'est une honte pour l'Europe. Et du temps, j'ai envie de réagir comme ça, et quoi, et du temps des années 60, même... Il y avait la guerre au Vietnam, il y avait, enfin, j'imagine, à votre génération, parce que vous êtes beaucoup aujourd'hui à parler, mais il n'y a pas de transmission du passé derrière. Il y a toujours eu des trucs énormes. Il y a eu des mouvements contestataires comme mai 68, auxquels j'avais 17 ans à l'époque. J'étais déjà bien impliqué dans tout ça, les mouvements hippies. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. On n'a pas su tirer les leçons parce que c'est un réel changement à l'époque vers un mieux-être, et je ne sais pas ce qui s'est passé. Bah, tout a été récupéré et on n'a pas beaucoup évolué. Quoi. Oui, tout a été récupéré, mais c'est aussi c'est la lutte, quoi. C'est la lutte du capitalisme contre un autre monde possible. Voilà. Et, parce que quand, oui, il n'y a pas qu'aujourd'hui que c'est l'horreur, hein, y a aussi le Congo. Hein, la Belgique, c'est le Congo. Toutes ces colonisations n'ont rien apporté de bon, et c'est les conséquences de toutes ces colonisations et de cet accaparement des pays riches, quoi. C'est le capitalisme qui pose le réel problème. Et ça fait un bail que c'est en route, hein, quand même. Ouais. On ne parle jamais des crimes du capitalisme, mais moi je crois qu'on devrait quand même essayer d'en parler. Vous venez de parler de la colonisation au Congo, tout ça, il n'y a pas que le Congo, il y a des pays qui souffrent encore de toute cette colonisation. Bah, le Congo continue à souffrir, cher monsieur. Bah oui. Quand vous dites qu'on ne parle pas assez des crises du capitalisme, mais si, on en parle tous les jours. Hein. Comment ça se fait que la population ne prend pas conscience de tout ça? Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui calquent encore leur vie sur le capitalisme, sur l'argent. Et c'est là le problème. Oui, mais regardez, nous, ici en Belgique, on vit entre guillemets bien. On n'est pas dans des conflits directs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les gens continue à consommer comme la masse, vous voyez, le pouvoir dominant dit de consommer quelque part. Vous comprenez ce que je veux dire? J'essaye d'analyser avec vous pourquoi les gens ne bougent pas. Ben, peut-être parce qu'on n'est pas heurté dans notre chair directement. Mais parce qu'il n'y a pas de solidarité. Vous vous rendez compte qu'il y a 25% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est inadmissible dans un pays soi-disant moderne en Belgique, entre 20 et 25%. Qui n'ont pas le minimum vital. C'est scandaleux, tout ça. Moi, c'est l'injustice qui me dégoûte. Et à travers de cette injustice-là, je continue à me battre. Avec mon épouse, on se bat et on a aidé les migrants à Calais pendant 6 mois. On avait créé une association qui s'appelle les Tournaisiens à Calais. Pendant 6 mois, on a été les aider jusqu'au démantèlement en leur apportant de la nourriture, des vêtements et tout ça. On a mené vraiment un combat positif. On a eu des contacts avec tous ces gens-là. On a aussi travaillé avec la Croix-Rouge de Tournai, avec la caserne Saint-Jean, où on est resté en contact avec des réfugiés afghans qui sont devenus nos amis. On apprend beaucoup de choses de tous ces gens, que ce soit n'importe quelle nationalité. Pourquoi vous faites tout ça? Ok, vous êtes contre l'injustice, mais ça veut dire quoi, ça? Ben parce que je me sens bien en faisant tout ça. Je me sens bien, j'ai le moral, j'ai tout ce qu'il faut. C'est important. Mais tant mieux alors. Hein. Je vous laisse un petit mot de la fin sur tout ça, sur toute cette discussion, même sur mes questions qui peuvent peut-être vous trouviez peut-être décalées ou j'en sais rien. Soyons francs. Enfin, j'en ai déjà dit tellement que je vois pas bien ce que je peux encore dire. Bah, de profiter qu'il y a des gens qui vont entendre, peut-être pour... Non, c'est bon. Bah, moi j'invite la société à se prendre en charge et avoir plus de solidarité sur cette planète, quoi. C'est une bonne idée, ça. Ouais. Bah, on espère que ça va se transformer. Ben oui, moi je l'espère aussi. Moi je crois à la solidarité des peuples. Voilà. Merci. C'est comment votre prénom? José Daumerie, D-A-U-M-E-R-I-E. Merci, José.